Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du dialogue entre Khalid et Mohamed en nous intéressant aux répliques suivantes dans lesquelles Khalid, après lui avoir demandé son prénom et son pays d'origine, interroge Mohamed sur son lieu de résidence. Aïna taskun? Dans cet échange, commençons par nous intéresser à la question de Khalid, qui est composée de seulement deux termes. On trouve à son début le pronom interrogatif « Aïna » que nous avons déjà rencontré précédemment et qui correspond en français à l'adverbe interrogatif « ou ». Il est suivi du verbe « taskunu » conjugué à la deuxième personne du singulier masculin du temps de l'inaccompli et qui signifie « tu habites ». Si on traduit littéralement cet ensemble, on obtient donc « où tu habites » dont le sens correspond à la question « où habites-tu » et qu'on peut aussi formuler en français en disant « où est-ce que tu habites ?» Dans cette question de Khalid, nous faisons connaissance avec le premier verbe présent dans les dialogues du manuel d'expression de Médine et nous aborderons la question de la conjugaison un peu plus tard dans cette série de cours, lorsque nous aurons davantage d'exemples à observer. En attendant, nous pouvons cependant faire ici deux remarques. La première concerne le pronom personnel « anta » qui correspond à « tu » en français et qui n'est pas indiqué dans la phrase « aina taskun » car la forme conjuguée « taskunu » se suffit à elle-même dans la plupart des contextes pour exprimer la deuxième personne du singulier masculin. Contrairement au français, on n'a donc pas besoin en arabe littéraire d'ajouter de pronom personnel pour préciser la personne de la conjugaison, sauf dans les cas où on désire mettre en évidence la personne qui accomplit l'action ou lorsque le contexte peut présenter une ambiguïté. Deuxièmement, si on observe les phrases présentes dans le premier dialogue et la première partie de ce deuxième dialogue, on constate qu'aucune d'entre elles ne comportait de verbe et leur traduction littérale ne reproduisait donc pas exactement leur équivalent en français, qui exige la présence d'un verbe dans l'immense majorité des phrases. En revanche, la présence d'un verbe dans la question de Khalid donne à cette phrase un sens qui correspond exactement à sa traduction littérale en français. Pour dire « où habites-tu ?», on dira donc simplement « aïna taskun ?». Voilà pour aujourd'hui, ce 13e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. On se retrouve, incha'Allah, très prochainement avec le 14e mini-cours, dans lequel nous nous intéresserons à la réponse de Mohamed sur son lieu de résidence. Wassalamu alaikum.